Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de te présenter un livre qui a juste bouleversé énormément de choses que je croyais comme acquises dans ma vie. Donc c'est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc je vais te présenter en détail pourquoi il faut absolument que tu achètes et que tu lises ce livre. Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'y mets en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email, je te l'envoie immédiatement. Donc, dans cette nouvelle vidéo, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te parler d'un livre qui, pour moi, a changé énormément de choses. C'est donc le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors déjà, pour la petite histoire, j'ai laissé traîner ce livre quand je laissais traîner ce livre, on était en vacances. Du coup, mon fils qui commençait à lire, à déchiffrer le titre, je ne te raconte pas le regard que m'a lancé ma femme. Puisque du coup, il est papa, c'est quoi ça? Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études? Ah, mais ça veut dire quoi, papa? On peut mal travailler à l'école, donc. Là, c'était un peu compliqué. Donc oui, Olivier Roland, tu as eu raison de mettre un titre un petit peu provocateur. Par contre, pour nous, les jeunes papas, du coup, c'est un peu compliqué quand on le laisse traîner. Parce que du coup, c'était le livre, c'était devenu le titre préféré que voulait lire mon fils pour taquiner sa maman. Donc, hormis ça, dans ce livre, alors tu sais, quand je décris un livre, je te donne pas exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que je ne veux pas te dévoiler. Te dévoiler tout ça avant que tu le lises, hein. J'ai pas envie de spoiler l'auteur et le contenu du livre. Mais voilà, d'une manière générale, ce livre va te faire prendre conscience qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Il va te faire prendre conscience qu'il y a des choses sur lesquelles on peut influencer et d'autres choses sur lesquelles on ne peut avoir aucune influence. Et l'exemple, je vais donner un exemple qui est par rapport au journal télévisé. Donc, tu regardes le journal télévisé, il y a des catastrophes dans le monde. De toute façon, le but des journalistes, c'est quand même d'essayer d'avoir des choses, des scénarios catastrophisme, quoi. Donc, te montrer des choses où il y a vraiment des grosses catastrophes. Mais au final, tu peux avoir d'incidence là-dessus? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose de les regarder? Non. Est-ce qu'en regardant ça, tu vas avoir derrière l'angoisse et tu vas pas être motivé pour faire des choses et tu vas rester au fond de ton canapé? Oui. Donc, à quoi ça sert de regarder ça? À rien. Et en fait, avant, moi, je regardais le journal de 20h tous les jours. Et ça peut paraître bête, mais en lisant son livre, en lisant ses arguments, il parle de diète médiatique, j'ai arrêté de regarder la télé. Où je la regarde vraiment très, très, très, très, très, très peu. Et en fait, c'est extraordinaire parce que tout ce temps que tu passais devant la télé, quand tu le passes à faire autre chose, comme principalement à lire, c'est épanouissant. Et là, c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, tu perdais un temps énorme à faire des choses sans valeur ajoutée, des choses sur lesquelles tu ne pouvais pas vraiment investir sur toi ou apprendre des choses. Où tu n'étais pas acteur en fait de ta vie. Et Olivier Roland, dans ce livre, va t'expliquer un autre concept qui est pour moi mais super important. C'est le côté le bon sceptique. Donc il parle d'un truc et du coup moi je cite ça à chaque fois. Le bon sceptique, le mauvais sceptique. Qu'est-ce que le bon sceptique? C'est pas comme le mauvais chasseur et le mauvais chasseur et le bon chasseur des inconnus, pour ceux qui connaissent. Non, le bon sceptique, c'est qui? C'est celui qui va pas forcément être sûr de ce que tu dis, mais qui va tester la chose. Qui va tester pour savoir si ça lui convient, s'il est d'accord ou pas. Par rapport au mauvais sceptique qui dit non, ça c'est pourri, c'est nul, on ne le fait pas. Donc lui, il te dit teste les choses. Sois un bon sceptique de la vie. Critique ce que je dis, mais fais-le, essaye, tente. Après, il y a un autre point dont il parle qui est super important, qui en fait. Je crois que c'est dans son ADN. Alors lui, c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est la loi de Pareto. C'est-à-dire se concentrer sur les éléments les plus importants de ta vie qui vont te produire le plus de résultats. Donc souvent, on s'aperçoit par exemple que c'est 20% de nos clients qui nous rapportent 80% des chiffres d'affaires. 20% de nos investissements immobiliers qui vont nous rapporter un maximum de cash flow. Et c'est là qu'il faut du coup revendre les produits qui ne sont pas très intéressants pour garder et se concentrer sur ce qui rapporte. Et en fait, lui, il pousse donc sa toile Pareto au maximum, quoi. Quand je le suis en plus, il est vraiment à fond là-dedans. C'est pas forcément. Moi, je trouve qu'il est. C'est un peu trop des fois parce que du coup, il faut quand même, d'une certaine manière, savoir un peu maîtriser l'ensemble des choses que l'on fait. Et il le reconnaît sur certaines choses où il pousse à fond. Lui, il fait de l'investissement immobilier vraiment en moins de Pareto, c'est-à-dire, voilà, je délègue tout et j'attends les résultats. Ça peut être dangereux. Il a des vidéos où il montre que c'est assez dangereux. Mais d'une manière générale, dans ce livre, il te montre que. Il faut se concentrer sur ce qui va avoir le plus d'effet sur tes résultats, d'effet bénéfique sur tes résultats. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, il y a une grosse quantité de choses qui servent à rien, qui t'apportent aucun résultat, mais qui te prennent 80% de ton temps. Et en fait, tu as des choses qui te prennent que 20% de ton temps, mais qui t'apportent 80% de résultats. Donc, c'est ça qui te montre au fur et à mesure par plein d'exemples. Il y a énormément d'illustrations dans ce livre. Donc, c'est vraiment quelque chose. D'intéressant. Il a juste un défaut. Olivier, t'as un défaut. C'est que ton livre, la typo du livre est vraiment pas très agréable à lire. Donc il faut pas lâcher. C'est un livre qui fait voilà, qui fait 500 pages, mais qui est vraiment énorme et qui va te faire changer ta vision des choses si vraiment aujourd'hui tu procrastines beaucoup, quoi. Procrastiner. Un petit peu, ok, on a tous tendance des fois à repousser à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et tu lis un livre comme celui d'Olivier Roland et tu te lances, t'es sûr de te lancer parce qu'en fait, il va contrer tout ce que tu dis, il a les excellents arguments, il a les bons exemples. Et derrière, si tu veux réussir, t'es sûr d'y arriver. Donc voilà, maintenant, c'est à toi de décider. Moi, je te mets le lien dans la vidéo, le lien du livre pour pouvoir le télécharger. Je t'encourage pour pouvoir, pardon, le commander. Je crois qu'il est aussi disponible en e-book, mais très honnêtement, je te conseille de l'avoir en version papier parce que c'est vraiment des livres à garder, à stabiloter, prendre des notes. Voilà. Donc, en tout cas, je te conseille de lire ce livre d'Olivier Roland. Il est vraiment très intéressant. Moi, je sais que je n'ai jamais vu Olivier Roland, mais pour moi, c'est vraiment un mentor, par exemple. Je le suis sur sa chaîne YouTube. J'ai lu son livre. Et voilà, j'ai jamais eu la chance, malheureusement, de le rencontrer physiquement, mais ça ne serait tardé. Mais pour moi, voilà, c'est quand même, je donne des fois l'exemple, il faut s'entourer, il faut avoir des mentors. Moi, pour moi, c'est un mentor. J'ai suivi ce qu'il y a dans ce livre. J'ai changé certaines choses de mon alimentation. J'ai changé ma façon de. Par exemple, je ne regarde plus la télé, des trucs, ma façon de penser sur certaines choses. Voilà. Il faut trouver des éléments déclencheurs dans ta vie pour passer à chaque fois à l'étape, un cran au-dessus, à l'étape supérieure. Ça passe par des livres, ça passe par des mentors, ça passe par une communauté, un network, à networker autour de toi. Donc voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo un petit peu particulière où on parle de livres, mais on ne parle pas d'investissement pur. Mais tout ça va te permettre de te construire un état d'esprit d'investisseur, un état d'esprit d'entrepreneur. Et tout ça va te permettre derrière de faire des investissements rentables et de les multiplier. Donc, on ne peut pas devenir un investisseur sans avoir une âme d'entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont très, très, très liées. Et Olivier Roland, voilà, il a commencé à entreprendre à 18 ou 19 ans. C'est l'exemple type. Du gars de l'entrepreneur né, quoi, qui a ça dans le sang. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, mets-moi des commentaires pour me dire si tu connais d'autres livres dans la même thématique, si tu as déjà lu celui d'Olivier Roland, si tu es d'accord avec moi. Hein, tout ça, toutes les interactions, les likes, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, tout ça me permet de monter dans les moteurs de recherche de YouTube et de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant existe. Voilà, moi j'ai envie d'exploser tout. Et d'être en haut des recherches YouTube pour montrer, pour impacter le maximum d'investisseurs. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien, passe à l'action, kiffe. Ciao, ciao!